Lettre 54e. Nouvelle réflexion sur la société française. Influence du clergé anglais sur le ton de la société. Quoique je demeure toujours convaincu que la véritable société française, c'est-à-dire la société des personnes bien élevées des deux sexes, est la plus gracieuse, la plus animée, la plus séduisante du monde, je pense toutefois qu'elle n'est pas aussi parfaite qu'elle pourrait l'être, s'il en était un peu plus difficile dans le choix des personnes que l'on y admet. Quiconque connaît la bonne société en France doit être persuadé qu'il s'y trouve et des hommes et des femmes qui, aux grâces les plus aimables de la vie sociale, joignent les vertus les plus solides. Mais il est aussi impossible de nier que, tout admirablement que sont quelques individus de ce cercle, ils exercent envers des personnes moins estimables qu'eux une tolérance qui ne laisse pas de choquer nos opinions quand le hasard nous apprend certaines anecdotes authentiques concernant ces personnes. Il est heureusement impossible, et ce ne serait en tout cas pas très sage, de lire dans le cœur de toutes les personnes reçues chez une dame de Paris ou de Londres afin de découvrir le mystère de ce qui s'y passe. On ne doit pas s'attendre que les maisons qui reçoivent beaucoup de monde puissent scruter ainsi toutes les personnes qui y sont admises. Mais partout où la société est bien ordonnée, il me semble que l'on ne devrait pas en accorder l'entrée à des individus de l'un ou de l'autre sexe de qui la conduite extérieure et visible aurait attiré sur eux les yeux du monde et la réprobation des gens vertueux. Or, on ne saurait nier que cela n'ait lieu plus fréquemment en France qu'en Angleterre, et quoiqu'il y ait beaucoup de personnes qui se refusent consciencieusement à toute liaison de ce genre, et plus encore qui font clairement connaître par leur conduite que leur âme ne sympathise pas avec ceux dont elles sont forcées de souffrir le contact, je ne puis m'empêcher de penser qu'il est fort à regretter qu'un pareil levain de désunion s'introduise dans les salons qui, sans cela, seraient à la fois plus agréables et plus dignes de respect. Une des raisons, à mon avis, pour lesquelles il y a ici moins de sévérité dans le choix des sociétés, c'est qu'il n'y a point d'individus, ou pour mieux dire, point de classe d'individus, dans le vaste cercle qui constitue ce que l'on appelle en grand la société de Paris, qui ait le droit de prendre la parole et de dire « ceci ne doit pas être ». Heureusement, chez nous, le cas est différent, du moins pour le moment. Le clergé d'Angleterre, ses respectables épouses et ses filles si bien élevées, forment une caste distincte, à laquelle rien ne ressemble sur tout le vaste continent de l'Europe. Mais cette caste, quoique plus ou moins mêlée avec toutes les autres, a une dignité et une teinte aristocratique qui lui appartient en propre et dans laquelle se trouvent mêlées et la haute naissance et la science qui, dans plus d'une occasion, a mis ses possesseurs au niveau de la noblesse et la piété qui élève au-dessus du rang et de la science ceux qu'une vie de pureté sans tache rend illustres même dans la sainte profession qu'ils ont embrassée. Quand de tels hommes se rencontrent habituellement dans la société comme ils le font en Angleterre, quand ils y amènent avec eux les femmes qui composent leur famille, il n'est guère à craindre que le vice effronté ose s'y présenter à côté d'eux. On ne saurait nier en effet que plus d'une femme de vertu douteuse, qui n'hésiterait pas à se montrer hardiment dans la société la plus distinguée, reculerait devant l'idée d'y rencontrer les dignitaires de l'Église. Et il est également certain que plus d'une donneuse de belles soirées, indiscrète, facile et insouciante, s'est privé de la satisfaction d'ajouter à l'éclat à son bal en y invitant telle beauté célèbre parce qu'elle s'est dit « Il est impossible d'avoir Milady A ou Mrs. B quand l'évêque et sa famille doivent venir. » Il ne faut pas croire que cette influence salutaire n'agisse que sur les classes élevées de la société. Le curé de la paroisse et même son jeune vicaire, presque imberbe encore, produisent le même effet dans des cercles plus modestes. En un mot, partout où paraît un ecclésiastique anglais ou sa famille, on est sûr de trouver la décence et de ne point rencontrer le vice effronté qu'il est si dangereux de tolérer. Si jamais cette contrainte venait à nous peser, si jamais nous éprouvions le désir d'être délivrés du cruel reproche de leur bienfaisante présence, pour nous mêler librement à ce que le vice a d'agréable, si jamais, dis-je, nous arrivions à cet état, alors le moment sera venu d'adopter le bill de l'Église d'Irlande. Ces réflexions m'ont été imposées forcément par une réponse qui m'a été faite l'autre soir par une dame de ma connaissance à qui je demandais le nom d'une femme dont j'admirais la tournure et la mise élégante. « C'est Madame de B, me répondit-on. Ne l'avez-vous jamais rencontrée? On la voit partout. Je répliquai que je l'avais effectivement déjà vue une ou deux fois, mais que j'ignorais son nom, et j'ajoutai que ce n'était pas seulement son nom, mais encore quelques petits détails sur sa personne que je désirais apprendre. Elle avait l'air d'un personnage, d'une héroïne, d'une sibylle. En un mot, c'était une de ces têtes et de ces bustes que tout le monde paraît avoir le droit de regarder fixement comme un tableau ou une statue. Elle semblait faire partie de l'ameublement du salon. Seulement, elle excitait un peu plus d'intérêt et de curiosité. « Pourriez-vous m'instruire de ce que je voudrais savoir ? » demandai-je. « Je n'ai jamais vu de figure aussi pittoresque. On dirait que l'esprit de Titien a présidé à sa toilette. » « Pour moi, je crois que ce n'est que l'esprit de coquetterie, » répondit mon ami en souriant. « Mais puisque vous désirez si fort la connaître, je puis vous dire son histoire en deux mots. Elle est riche, noble, spirituelle, mêlée à la politique et galante. » Je ne crois pas avoir montré de l'étonnement à cette réponse. Je suis trop accoutumé à l'usage des salons pour témoigner hautement de la surprise de quoi que ce soit. Mais mon ami me regarda et ajouta en riant. « Seriez-vous étonné de la voir ici ? Mais je vous ai déjà dit que vous la rencontrerez partout, excepté pourtant chez moi, et dans un petit nombre de maisons très arriérées dans la mode. » La dame à qui je parlais, quoique fixée depuis longues années à Paris, était d'origine anglaise. Je crus pouvoir me permettre de lui faire connaître ma surprise de ce qu'une personne telle qu'elle venait de décrire, Madame de B, pût être si généralement reçue dans la bonne société. « Je conviens, répondit-elle, que cela est surprenant. Et plus encore peut-être pour moi que pour vous, puisque je connais si parfaitement la vertu et la réputation irréprochables de bien des personnes qui la reçoivent. « Je regarde ceci, continua-t-elle, comme un des traits les plus singuliers de la société parisienne. Si, comme beaucoup de voyageurs l'ont faussement insinué, les femmes de Paris étaient généralement corrompues, cela ne serait pas extraordinaire. » Mais il n'en est point ainsi. Toutes les fois que ni le mari, ni les parents, ni les domestiques, ni personne n'a le désir ou l'intention de découvrir et de publier les faiblesses d'une femme, ces faiblesses peuvent, à la rigueur, exister malgré cela. Mais ce sont des choses dans lesquelles la société n'a aucun droit d'intervenir. Les personnes que leur caractère ou la tournure de leur esprit portent à soupçonner le mal, partout où il est possible qu'il existe caché, se privent du plaisir de l'amitié, fondée sur l'estime, par la seule possibilité que quelques fautes cachées en rendent peut-être indignes. Si de pareils caractères se rencontrent rarement en France, ce n'est pas là une preuve de la dépravation des mœurs nationales. Mais lorsqu'une conduite notoirement irrégulière a amené une femme devant la barre de l'opinion publique, il me paraît, je l'avoue, très extraordinaire qu'une personne comme celle chez qui nous nous trouvons et beaucoup d'autres également irréprochables, consentent à la recevoir. Je présume, dis-je, que Madame de B n'est pas la seule personne qui jouisse de cette tolérance si remarquable. Non, certes. Il y a beaucoup d'autres dont les salons sont aussi connus que les siennes, et qui sont de même admises dans les meilleures sociétés. Mais remarquez bien que je ne connais pas un seul exemple où on leur ait permis de pénétrer dans le cercle plus resserré de l'intimité domestique. Personne à Paris ne semble croire qu'il ait le droit de scruter la conduite de toutes les élégantes qui remplissent ces salons. Mais je crois que l'on y est aussi difficile que nous dans le choix des amies particulières. Voilà cependant à quoi se bornent ici les idées de convenance. Et l'on ne songe pas plus à sortir d'un salon où l'on voit Madame de B, qu'une dame de Londres ne croirait devoir se dispenser d'aller à l'opéra parce qu'elle aurait aperçu la voiture de Lady X à la porte de la salle. Il n'y a aucun rapport entre ces deux cas, dis-je. Non, vraiment, mais il n'en est pas moins certain que les Parisiens n'en sentent pas la différence. Quant à moi, je suis d'avis que cela provient beaucoup moins de la dépravation des mœurs que de la facilité du caractère. Sans souci est la devise chérie de la nation entière, et comment pourrait-elle agir en conséquence s'il fallait se livrer à l'embarrassante tâche d'expulser de la société toutes les personnes qui ne méritent point d'y entrer. En attendant, quoique bien convaincu, comme je viens de le dire, que cette différence dans la tolérance morale qu'exercent les deux nations ne tient point au relâchement des mœurs, je ne puis m'empêcher de penser que notre système à cet égard est préférable. Il est plus favorable non seulement à la vertu, mais encore à des relations agréables et exemptes de contraintes, et quand ce ne serait que pour cette raison, nous avons le plus grand intérêt à maintenir le respect et la dignité de cette classe, dont la présence seule suffit pour garantir au moins la réputation d'honnêteté de tous les cercles dans lesquels elle se montre. Je ne puis m'empêcher de faire ici une observation qui, à dire vrai, n'a que peu de rapport avec Paris et les Parisiens, dont je devais faire le sujet de mes lettres tant que je resterai parmi eux. A-t-on assez réfléchi jusqu'à quel point cette importante influence serait détruite dans les cercles élevés, qui de tout temps servent de modèle à ceux qui sont placés au-dessous d'eux, si les richesses, le rang et les honneurs séculiers dont jouit aujourd'hui le clergé lui étaient enlevés? Je ne prétends pas disconvenir qu'un ecclésiastique, soit évêque, prêtre ou diacre, ne puisse remplir les devoirs de son ministère, à l'autel ou dans la chaire, quoiqu'en sortant de l'église, il lui faille retourner à pied à une modeste habitation et s'asseoir devant une table frugale. Il remplira, dis-je, ses devoirs à l'entière satisfaction des riches et des grands, quoique sa pauvreté ne lui permette pas de prendre place au milieu d'eux. Mais tant que sa position sera telle, il lui sera impossible de produire sur la société et d'exercer sur les mœurs du peuple cet effet et cette influence que l'on serait en droit d'attendre de lui, si sa position et sa puissance temporelle étaient de nature à l'élever même aux yeux des personnes les plus mondaines. Parmi toutes les espèces d'hypocrisie dont on est condamné de nos jours à entendre le langage, il n'y en a point qui m'impatiente autant que celle qui prêche l'humilité de l'Église. S'il y avait seulement une ombre de raison ou de logique dans les arguments tirés de l'Écriture en faveur de l'avilissement du clergé, il faudrait nécessairement admettre aussi que, pour suivre l'exemple de leur divin maître, tous les prêtres devraient appartenir à la classe des charpentiers et des pêcheurs. Si nous pouvions imaginer qu'une telle révélation de la divinité pût être accordée à l'homme, il serait assez naturel de concevoir que le riche don de l'inspiration directe serait de nouveau confié à ceux qui n'auraient ni science, ni connaissance, ni argent, ni pouvoir d'aucune espèce pour combattre ou résister, pour expliquer ou affaiblir la communication qu'il serait de leur devoir simplement de constater et de répandre. Mais la parole éternelle de Dieu, une fois prononcée, s'ensuit-il que ceux qui ont été soigneusement instruits dans toutes les connaissances variées, qui peuvent aider et donner de la force et de l'autorité à la propagation de cette parole, soient seuls d'entre tous les hommes condamnés à passer éternellement leur vie dans les rangs inférieurs de la société, afin d'imiter l'humilité du Sauveur du monde? Je ne sais s'il y a plus de sottise ou de blasphème à prétendre cela. Quand Dieu s'imposa le devoir de prêcher lui-même à l'homme sa sainte volonté, il fit un grand acte d'humilité, tandis qu'au contraire, les hommes qui se chargent d'instruire leurs semblables dans la loi qui nous a été si solennellement laissée, rehaussent considérablement leur dignité. Et toutes les fois que cette charge est bien remplie, un des premiers devoirs de ceux qui croient en la doctrine qu'ils prêchent est de les honorer d'une façon que les mortels puissent comprendre et apprécier. S'il s'en trouve qu'ils ne remplissent pas les devoirs de cette sublime profession aussi strictement qu'ils le peuvent, qu'ils soient dégradés comme ils le méritent. Mais tant qu'ils la conservent, qu'on ne leur refuse pas le rang et la position auxquels tous leurs concitoyens aspirent chacun dans sa sphère, et cela sous le ridicule prétexte de les maintenir dans l'humilité. Hélas, notre Église, si longtemps vénérée, et ses ministres outragés, ne seront en effet que trop humiliés si leur destinée et leur fortune sont laissées à la merci des hommes qui depuis peu se sont fait leurs législateurs. Il m'arrive souvent d'éprouver un vague sentiment d'incrédulité en lisant ce qui s'est passé à cet égard dans la Chambre des communes. Je ne puis réaliser, pour me servir d'une expression américaine, que la majorité du Parlement d'Angleterre consente à se laisser mener en aveugle sur un point de cette importance par un petit nombre d'ignorants papistes. Je me flatte qu'à mon retour en Angleterre, je reconnaîtrai que tout cela n'était qu'un songe. Pardonnez-moi de grâce cette longue digression. Je tâcherai de vous en dédommager en vous écrivant demain sur le sujet le plus français que je pourrai trouver.